Haïti chérie, aujourd'hui son jeunesse. Moi accepté que son jeunesse. Je sais aux oiseaux capés voler. Toujours ma joigne aux branches pour poser. Haïti chérie, aujourd'hui son jeunesse. Moi accepté que son jeunesse. Je sais aux oiseaux capés voler. Toujours ma joigne aux branches pour poser. Joigne aux branches composées.